Soum, je les repère comme sonar. Je les sous comme solar. Je graille en 2-2 comme folar. Équipe. Sous coucou, j'arrive avec Kaki. J'arrive avec Seb, j'arrive avec Paki. FIFA, je mets des cartouches avec Raki. Gardien. Kaka en sous, t'es dans la cabine. Kaka et sous, je suis dans la cabine. Au-dessus d'eux comme les nuages négro. Viens qu'on se les sons sur le nuage négro. Je roule un blunt, je mets de la CP, je mets QH négro. Comme un gaulois, j'ai ma potion négro. Tu veux t'inscrire, t'as pas de notion négro. Gardien, SO Geezer, dis-moi pourquoi tu rappes comme la caution négro. Moi c'est tarif, dégage, bouge, tes sons sont basiques comme un PH12. Dans la défense comme Sergio Ramos. Négro, les ballons, je les dégage tous. Équipe, je mets des passements de jambes et des crochets. Pour plus d'essence qu'un groupe électrogène, gardien. Chaîne des négros, j'arrive Galsen comme Badara. Dans l'ombre avec mes ninjas négros, complote comme Madara. J'applique l'art de la guerre comme un grand général. Bien noir sur noir, berline comme agent fédéral. USB c'est comme Jérémy Lin. Vision slow motion, CSSO Jérémy Lin. Gardien, ils rappent comme des enfants. J'fume ma gain, j'vais à la boutique. J'achète pour flou avec des 100 francs. Équipe. Je suis un jeune négro, j'arrive Galsen comme Badara.